Chapitre 5e, les feuilles de thé. À en effet, les choses allaient de mal en pis. Nul n'avait fait autant de progrès que Robert Matisse. Mais à parler franchement, ce n'était pas là grand-chose, puisque la plus grande partie des habitants, au lieu d'avancer sur l'échelle sociale, avait rétrogradé. Robert avait quitté sa manufacture et était devenu second maître chez M. Ashley. Il s'instruisait de son mieux, et pour l'encourager dans ses études, il avait un ami en la personne de William Halliburton. Les Matisse habitaient une jolie maison entourée d'un jardin. Nulle parterre n'exhalait autant de parfums que celui que cultivaient Robert et Thomas. La maison, plus spacieuse que leur ancienne, abritait encore Étienne Crouch et sa fille. On savait que les Matisse faisaient des économies, et un effet de s'en étonner, car nul ménage ne vivait plus confortablement, plus largement. Les Peters n'avaient pas quitté l'hôpital où Joe était mort. Les Cross, renvoyés de chez eux, avaient vu vendre leurs meubles et habitaient de pauvres chambres. Ils étaient aussi imprévoyants qu'autrefois et ne vivaient qu'au jour le jour. Les Mason, mariés et femmes, passaient leur temps à se quereller agréablement. Du moins, il était à supposer que les disputes leur plaisaient, puisqu'ils se disputaient continuellement. De temps à autre, une bataille faisait diversion. Les enfants grandissaient dans la rue. Caroline Mason avait fait une triste chute et ne pouvait plus regagner sa position. Elle vivait seule dans une mansarde. Elle travaillait du matin au soir pour avoir de quoi manger et marchait toujours la tête baissée. Les quartiers économisaient, les Brum aussi, et les Buffles si bien qu'on prétendait qu'ils se retireraient des affaires avec une fortune. Mais à part ces exceptions, Hannefer était aussi sale et en désordre que lorsque nous l'avons connu. William Halliburton passait souvent à Hannefer. C'était sa route la plus directe pour aller chez M. Collin, le maître de français. William, sociable par nature, entrait souvent dans l'une de ses maisons. Il y trouvait Robert Matisse travaillant à ses livres et se donnant bien plus de peine qu'il n'eût été nécessaire si une légère direction lui avait été accordée. William entreprit avec bonté de l'aider et prit bientôt l'habitude d'aller passer tous les soirs une heure avec les Matisse et Étienne Crouch. Les désordres de Hannefer s'offraient donc de même à son attention. Ne pourrait-on pas faire quelque chose pour sortir ces gens d'une condition si misérable? Telle était la pensée qui préoccupait souvent William. Maison sale, mère toujours grondeuse, enfant dégueulé et grognon, mari grossier et jureur, rien n'y manquait. Leur demander pourquoi ils travaillaient et se donnaient tant de mal, eux-mêmes ne le savaient pas. Quel était leur but? Ils n'en avaient pas. Tout ce dont ils s'inquiétaient, c'était, comme la pauvre Caroline Mason dans son grenier, d'avoir de quoi boire et manger. Ils n'élevaient pas plus haut leurs aspirations, et la mort viendrait les surprendre ainsi. Après une telle vie, qu'y aurait-il? William se disait parfois qu'il devait chercher à les améliorer, mais comment pouvait-il s'y prendre? C'était ce qu'il ignorait totalement. Essayer de passer le balai sur un effet lui paraissait une tâche bien plus formidable que pour Hercule de nettoyer les écuries d'Augias. Il sentait que toutes les tentatives resteraient infructueuses tant que le désir du progrès ne prendrait pas racine dans les habitants eux-mêmes. Un soir, comme il passait devant la maison qu'occupaient en partie les Cross, la porte s'ouvrit violemment, une jeune fille de 15 ans sortit en criant, et une soucoupe remplie de feuilles de thé fut lancée après elle. Les feuilles allèrent tomber sur le cou de la jeune fille et l'assiette effleura le bras de William. C'était Patty, la fille cadette de Madame Cross, et c'était Madame sa mère qui faisait cette aspersion. Madame Cross tendait les mains pour souffleter, égratigner ou tirer les cheveux, suivant ce qui serait le plus à sa portée, et une escarmouche aurait suivi sans la présence de William. Il arrêta Madame Cross. « Qu'a-t-il donc, Madame Cross ?»« Ce qu'il y a ?» fit-elle en grondant, « c'est que Patty est une paresseuse, une impertinente, une drôlesse. Elle sait que j'ai mes gants à finir pour samedi, il ne veut pas me donner un coup de main. Il y a des assiettes du dîner qui sont sales, et celles du déjeuner aussi, il n'y veut pas toucher. Elle compte que je m'en vais le faire, moi qui ai mes gants à coudre. Je l'ai prise par le bras, elle m'a frappé, la misérable polissonne. J'espère que ça ne vous est pas tombé dessus, monsieur, acheva Madame Cross, en modérant quelque peu sa voix et reprenant haleine. Il vaut mieux que ce soit tombé sur mon habit que sur le cou de Patty, répondit-il, bien que la jeune fille, avec son air insolent, ne méritât pas qu'on prît sa défense. Si ma mère me disait de laver les tasses ou de faire quelque chose d'autre, je le ferais avec plaisir, Patty. Patty rejeta ses cheveux derrière ses oreilles et, caché derrière William, lança sa mère un regard de défi. « Attends seulement !» fit Madame Cross en branlant la tête. « Je m'en vais t'arranger tout à l'heure !» Laquelle des deux était le plus en faute? La fille n'avait jamais connu son devoir. La mère l'avait toujours frappée et grondée. C'était le mode d'éducation maternelle usité à Hanefer. William continua sa route. Il ne pouvait s'empêcher de comparer ses existences avec la sienne. Plus réfléchi et plus sérieux qu'on ne l'est à son âge, il aurait voulu relever ces gens de leur abaissement moral, leur faire comprendre que la vie agitée qu'ils menaient en ce monde étouffait toutes les pensées qu'ils auraient dû donner à l'autre. Sa leçon de français terminée, il entra chez Robert Mathis. Il était 8 heures. Robert et Étienne Crouch étaient de retour de l'ouvrage et travaillaient. Charlotte, assise près d'eux, cousait, et Thomas tire vers lui la tête de Charlotte pour lui confier tout bas un grand secret. « Robert, dit William, croyez-vous que vous pourriez engager quelques-uns de vos voisins à venir ici le soir ?»« Pourquoi faire, monsieur ?» demanda Robert en se retournant du rayon où il cherchait un livre. « Ce serait excellent pour eux. Je voudrais amener ici tout Hanefer. »« Tout Hanefer ?» répéta Étienne étonné. « Oui, Crouch. Mais la chambre ne les tiendrait pas tous, ni le quart, ni même le dixième. » William se mit à rire. « Cela ne serait guère possible en vérité. » Mais il y a tant de désordre autour de nous, tant de mal, que j'ai désiré souvent y porter remède. Vous deux, par exemple, vous pourriez faire quelque chose. Si vous pouviez parvenir à intéresser quelques-uns de vos camarades à vos occupations, aux livres, à la conversation, de façon à les arracher au cabaret, ce serait un grand point de gagné. On n'en ferait jamais rien, monsieur. Ce sont tous des ignorants, des paresseux, qui ne tiennent pas à progresser. C'est juste, Crouch, mais si on leur a montré le moyen... Si les hommes ne dépensaient plus leur argent, les femmes tiendraient leur maison propre et en ordre, comme Charlotte, acheva-t-il en la regardant. Il n'y a pas moyen de le nier, monsieur. Eh bien, je crois qu'on pourrait arriver à quelque chose petit à petit, vous comprenez. Si vous tombiez sur les ouvriers en leur disant « Nous désirons vous faire changer de manière de vivre et nous allons vous montrer ce que vous devez faire. Votre discours serait parfaitement inutile et l'on se moquerait de vous par-dessus le marché. Dites-leur, vous n'irez plus au cabaret parce que vous y perdez votre temps et votre argent. Vous produirez autant d'effets que si vous parliez en l'air. Mais invitez-les à venir chez vous et vous les changerez si vous savez leur rendre la soirée agréable. En somme, donnez-leur quelque attraction qui fasse contrepoids à celle du cabaret. « Ce serait une bien bonne chose, » dit Étienne en réfléchissant. « Peut-être essaierait-il alors de s'améliorer. »« C'est cela !» s'écria William avec enthousiasme. « Qu'ils sentent eux-mêmes le besoin de s'élever et le reste se fera facilement. » Dieu n'envoie pas un homme sur la terre sans implanter ce désir au-dedans de lui. La difficulté est de réveiller ce désir. Et on n'y réussit pas toujours, monsieur, dit Charlotte, en levant la tête de dessus son ouvrage, les yeux brillants, la figure colorée. Elle le savait trop bien, elle. Charlotte, je crois même que cela arrive rarement. C'est un désir profondément endormi à Hanefer, en jugé par les apparences. William avait raison. Il y a dans la vie de l'homme une époque où il éprouve le besoin de choses meilleures. L'estime, le respect de soi-même, la persévérance, la confiance proviennent de ce sentiment. Celui qui le possède peut monter et planer. Le repos et le bonheur lui sont accordés en récompense de ses efforts. En tout cas, ce serait leur offrir une chance, à ce qu'il me semble, reprit William. Je connais quelqu'un qui viendrait volontiers, André Brahm. Ah oui, il en serait content, dit Robert. Il n'est pas comme la plupart des autres. Je connais aussi quelqu'un, moi. « C'est Adam Robinson. » Charlotte pencha la tête sur son ouvrage. Depuis que son cousin est mort du délirium tremens, Robinson a dit adieu au cabaret. Il passe ses soirées chez lui avec sa mère, mais je crois qu'il serait bien aise de venir ici. Tim Carty viendrait aussi, monsieur. « Si Madame Tim veut bien le lui permettre. » interrompit malicieusement Tom, et tout le monde de rire. « Ces quelques-uns donneraient l'exemple aux autres, » remarqua William. « Les petits commencements amènent quelquefois à de grands résultats. J'ai souvent causé de Hanefer avec ma mère et elle m'a toujours répété « Avant de pouvoir améliorer la conduite de Hanefer, il faudrait en changer l'esprit. » « Il y aura encore les femmes, monsieur, » dit Charlotte. « Si elles restent où elles en sont, ce que font les hommes n'avancera pas à grand-chose. » « Charlotte, nous ne savons où l'œuvre s'achèverait une fois qu'elle serait commencée, » répondit gravement William. La pluie qui avait amené toute la soirée tombait à grosses gouttes quand William repassa par Hanefer. Appuyé contre un volet sous le toit d'une maison, se tenait Jacob Cross. « Bonsoir, Jacob, » dit William. « Bonsoir, monsieur, » répondit Jacob d'un air sombre. « Restez-vous à la pluie pour vous faire grandir, comme disent les enfants ? Demanda William de sa voix toujours gaie. « Je reste là parce que je ne sais pas où aller, » répondit l'ouvrier d'un ton de ressentiment. « Je suis renvoyé de chez nous, et je n'ai point d'argent pour aller au cabaret. » « C'est fort heureux, » pensa William. « Qu'est-ce qui vous a renvoyé de votre chambre ? » demanda-t-il à haute voix. « Je suis renvoyé par le tintamarre qu'on y fait. Notre Marianne est venue. »« Marianne ?» répéta William sans comprendre. « Notre Marianne qui a épousé Benjamin Tyrett. Elle nous a amené ses petits cochons. »« Qu'est-ce qu'elle a donc fait ?» s'écria William de plus en plus étonné. « Elle en a fait suffisamment, » expliqua Cross d'un ton de colère. « Nous lui avons bien dit, quand elle a épousé Tyrett, que ce n'était qu'un ouvrier à 18 francs par semaine. Vous vous en souvenez bien, monsieur ?»« Attends, » que je lui disais, « il s'en présentera bien un meilleur. » Sa mère lui disait, « Attends, d'autres aussi. » Mais non, elle n'a pas voulu. Les filles sont folles quand il s'agit de mariage. Elle a fait comme elle a voulu. Ils se sont mariés sans avoir de sous. Benjamin aimait la bouteille, et Marianne les belles robes et la paresse. Elle ne savait pas mieux tenir une maison que sa sœur Patty. William se souvint du petit intermède de la soirée, dans lequel Mademoiselle Patty avait joué un rôle. Jacob continuait. Ça a été bien pendant quelques semaines, mais quand le charme de la nouveauté a eu disparu, alors ils ont trouvé que ça n'allait plus tout seul. L'argent a commencé à diminuer. Marianne voyait que Benjamin aimait bien sa bouteille, et Benjamin a vu que Marianne n'était qu'une poupée qui ne savait rien faire du tout. Naturellement, ils se disputaient, et ils venaient vers nous pour se remettre d'accord. « Vous avez été si pressés de conclure le marché que je leur disais, maintenant arrangez-vous comme vous pourrez. » Et ils s'en allaient, et ça a toujours duré comme ça jusqu'à présent. Maintenant, il s'est mis à l'abattre. Et la voilà qui est arrivée ce soir, il n'y a pas une demi-heure, avec ses trois enfants et un œil poché, jurant qu'elle ne retournera pas avec lui, qu'elle veut rester ici. Et elle et sa mère sont à se dire de gros mots. Les enfants braillent à faire sauter le plafond, et je m'en suis sauvé. Je voudrais être mort. » Jacob n'exagérait pas en parlant du bruit. On l'entendait de deux ou trois maisons plus loin. William s'était rapproché pour abriter Cross sous son parapluie. « Voilà un souhait qui n'est pas bien raisonnable, Cross, » dit-il. « Raisonnable ou non, il y a longtemps que je le fais, monsieur. » « Je travaille comme un nègre tout le long de la journée, et quand je rentre, je suis dans une écurie et des injures par-dessus le marché. Un joli endroit pour un pauvre malheureux éreinté. Je ne puis aller au cabaret que trois ou quatre fois par semaine, et encore pas toujours. Ils font les difficiles maintenant, ils ne veulent pas donner à crédit. Nous sommes à mercredi, demain jeudi, après-demain vendredi, trois nuits que je ne saurais pas où trouver un coin. « Je pourrais vous en donner un demain, si vous voulez venir avec moi, » dit William. « Où est-ce que c'est ?» demanda Cross d'un ton peu gracieux. « Chez Robert Matisse. Vous savez comment Crouch et lui passent leur soirée. Ils ont toujours quelque chose d'intéressant et d'agréable à faire. Ils n'ont pas besoin de moi. Si fait, ils seront enchantés si vous et quelques autres ouvriers intelligents vous vous joignez à eux. Essayez, Cross. En tout cas, vous aurez une bonne chambre bien chaude. Ils sont heureux, ces Matisse. Nous n'avons pas leur chance. Regardez-moi, comme je suis mal placé dans le monde. » William posa sa main sur l'épaule de Jacob. Pourquoi donc êtes-vous si mal placé, Cross ? Pourquoi ? Parce que je le suis, répondit-il carrément. Ce n'est pas une raison. La raison serait que vous ne cherchez pas à vous relever. Ce serait bien inutile. Avez-vous jamais essayé ? Mais non. Comment est-ce que je le pourrais ? Vous désiriez tout à l'heure être mort. Ne vaudrait-il pas mieux souhaiter de vivre ? Pas d'une vie comme la mienne. Mais désirer de vivre signifie mener une vie meilleure. Et pourquoi seriez-vous si malheureux ? Vous gagnez de forts gages, votre femme aussi. Vous devez bien avoir de 30 à 35 francs par semaine, je suppose. Mais il n'y a pas moyen d'économiser avec ça, interrompit Cross. Ça se fond, je ne sais pas comment. Avant le milieu de la semaine, il ne nous reste rien. Vous en dépensez un peu à la belle grappe, vous savez, dit William en plaisantant. Elle en dépense plus que ça en friperie, répondit Jacob en tournant son pouce du côté de la maison et en appuyant fort peu respectueusement sur le pronom « elle ». Et vous n'avez ni l'un ni l'autre quelque chose de bon à vous montrer en retour. Essayez d'un autre plan, Jacob. Je ne dis pas non si je voyais quoi. Eh bien, soyez ici demain à 8h30 et j'irai avec vous chez Matisse. Mais laissez-moi ajouter un mot, Jacob. Si vous trouvez votre soirée agréable, revenez le jour suivant. Revenez toujours. Vous ne pouvez prévoir tout le bien qui en pourra résulter avec le temps. Je sais déjà une chose qui en résultera. Quoi donc, monsieur ? C'est qu'au lieu de souhaiter la mort, vous trouverez la vie trop courte pour le bien que vous en pourrez tirer. » Il reprit sa route. Jacob, privé de l'abri du parapluie, resta à la pluie, plongé dans ses réflexions. « Il est jeune. Il voit les choses sur leur bon côté, mais il a l'air gentil, et il ne vous regarde pas comme si on était trop sale pour lui. » Ce fut là l'origine des soirées de Robert Matisse. Peu à peu, 10 à 12 ouvriers prirent l'habitude de s'y rendre, et ce qui valait mieux, y allèrent avec plaisir. C'était un grand point de gagner dans la lutte contre le cabaret.